Des Rich, gens investis, là. Tu peux-tu me ressortir? C'est l'extrait de la semaine, OK? Mm-hmm. Dans la banque de Morel, là, je sais qu'il y a beaucoup de choses bizarres dans ça, là, mais je veux que tu ailles me retrouver. Laurent qui fait le Père Noël? Non, pas Laurent qui fait le Père Noël. Ça, c'est le deuxième extrait de la semaine. Je veux que tu ailles me retrouver Amir Kadir. Excuse-moi de te garocher ça, là, là. Lui, là. C'est l'extrait de la semaine à Radio X. Il l'a aimé, notre tribune, pourtant. Hein? Le vrai visage d'Amir Kadir est sorti cette semaine, là. Amir Kadir, qui s'est déjà promené ici en faisant des jokes, des farces sur la nationalisation de Radio X. Mm-hmm. Il était venu en entrevue, je pense même dans notre show avec moi et Denis ici un matin. Ah, il est venu régulièrement. On se met à jaser toutes sortes d'affaires, puis il fait une joke à un moment donné. On devrait nationaliser Radio X. Ben, sacrifice, je pense qu'il pense pour vrai. Ah, c'était pas une joke. Il testait marché. Je pense que c'était pas une farce. Lui, là, pour lui, la radio que vous écoutez devrait être nationalisée. Elle devrait être contrôlée par le gouvernement ou encore être carrément éliminée. Pourquoi? Parce qu'on pense pas comme lui, puis on le remet en question. Puis il dit qu'on dit pas la vérité. Écoutez ce que Amir Kadir a dit cette semaine en commission parlementaire concernant les radios d'opinion à Québec. Vous venez ici, vous prônez, je sais pas d'où ce que vous sortez ça, d'éliminer des radios commerciales qui sont, qu'on partage ou non les opinions, c'est des entités légales. C'est, il y a beaucoup de gens ici qui écoutent ces stations de radio-là. Monsieur le député de Mercier. Ben, pour rassurer mon collègue de la CAQ, je voudrais dire, puis attendez au moins que Québec solidaire arrive au pouvoir avant de considérer la fermeture ou pas des radios poubelles. Puis je vous promets qu'on va organiser une audience publique et une participation, une réflexion collective sur comment certaines radios abusent de leurs droits de diffusion et alimentent le mensonge et la désinformation. Wow. Hey, c'est-tu un communiste, ça? Ça s'appelle un communiste, là, dangereux. Là. Abuser de nos droits, le mensonge, tout le kit. Hey, quand c'était le temps de venir ici passer ses messages, il était heureux de se servir de l'antenne. Hein? Je pense que dans le fond, il aime bien ça, là, venir ici. Là, parce qu'il aime ça s'obstiner avec des gens qui sont pas d'accord avec lui. Oui, mais lui, il aime ça s'obstiner, mais la population, elle n'aurait pas le droit. Tu sais, je regardais en fin de semaine passée Françoise David qui allait se promener à Lac Mégantic, là, qui essayait de faire du féminisme un peu avec l'histoire. Faut le faire en passant, là. Essayer de servir de l'histoire de Lac Mégantic pour faire avancer la cause féministe, là. Faut avoir du front tout le tour de la tête, là. Mais tu sais, elle essaye de ramener Québec solidaire un peu sur une traque un peu plus équilibrée, un parti un peu plus modéré. Elle doit triper entendre Amir Kadir parler, hein. C'était une gang de communistes, là. Vous venez de l'entendre, Kadir, là. C'est l'URSS 1971, ça, là. La vieille Chine, là, pis c'est... C'est ça, là. C'est une gang de communistes, Québec solidaire. J'espère que vous l'avez compris, là, avec cette phrase-là d'Amir Kadir qui a été prononcée pas plus tard que cette semaine, là. Ah, c'est gênant. Ça remonte pas à grosse crise de Radio X, là. C'est cette semaine. Non, c'est ça. Super. En passant, il y a 24 ans aujourd'hui, c'était la tuerie de Polytechnique. Là, l'an prochain, attendez-vous à ça, là. Ça va être le 25e. Ça va être très, très gros. Puis avec raison, là. Oui. Mais il y a 24 ans aujourd'hui, Marc Lépine qui entrait à Polytechnique à Montréal et qui abattait des étudiants donc en génie. Puis il s'était fait une liste de femmes à abattre, puis tout ça. Daniel Rainville qui était là-dessus, puis bon, il était les lettres vraiment... qu'il avait laissé. Bon, puis là, c'est sûr que tu sais la grosse année, ça va être l'an prochain, là, mais c'est toujours bon de se remémorer ça. Puis là, vois-tu, ce matin, il y a Lise Payette là, dans Le Devoir qui écrit un article féministe là-dessus. Alors que moi, le 24 et l'anniversaire, puis regarde, le triste anniversaire, là. Chaque année, ce que ça me rappelle, c'est que le Québec n'est pas à l'abri des tueries semblables. Là. Puis tu sais, il y a encore tellement de monde. Là, ça va être le premier anniversaire de Newton, là, bientôt. Là, oui, on a commencé à sortir les tapes. De l'école aux États-Unis, là. Tellement de Québécois qui pensent qu'on est au-dessus de ça ici, hein, au Québec. Là. Alors qu'il n'y a pas pantoute, là. On a notre lot, puis c'est gênant. Notre lot? On est un des endroits dans le monde. Montréal, en fait, est peut-être la capitale mondiale des tueries violentes. Ah oui. Pour la quantité de population, là. Moi, c'est pas beau comme record. Oui, il faut saluer la mémoire de ces victimes-là, de ces jeunes femmes-là qui avaient évidemment rien, qui n'avaient pas demandé à mourir, des victimes innocentes, d'un débile en passant, là. T'sais, on a beau écrire des articles féministes là-dessus, là. C'est un débile, Marc Lépine. OK? Premièrement, à la base, avant de parler et d'aller plus loin, là, c'est un débile profond qui a tué des femmes à Polytechnique. Donc, faut se rappeler de leur mémoire, faut honorer la mémoire de ces femmes-là Mais il faut aussi se servir de ces dates-là pour se rappeler qu'au Québec, on est pas meilleur que les autres. C'est pas vrai qu'on peut regarder les Américains de haut et de dire, eux autres, c'est une société violente, puis nous autres, on est donc bien pacifistes, puis on est donc bien bons, puis on est donc bien à l'abri de ça. Nous autres, hein, on va rapatrier les données du registre des armes à feu parce que on est donc bien progressistes au Québec, puis on est donc bien meilleurs que tout le monde, puis ailleurs, ils ont pas compris, puis nous autres, on n'a pas compris, puis qu'on aime donc notre Québec. On peut-tu se rappeler ça aujourd'hui, 6 décembre, 24 ans après la tuerie de Polytechnique, qu'on est pas mieux que les autres, qu'on est pas meilleur que les autres là-dessus, et qu'on n'a pas de leçons à faire à quiconque en matière de violence puis de crimes faits par armes à feu. On est bon là-dessus, on est bon là-dedans. Ah, les maudits Américains avec le gun au Texas, puis ils vendent des guns au Walmart, puis ça, le fait qu'on soit tellement hein, plus contrôlé et pacifiste, ça a pas empêché, il y a 24 ans aujourd'hui, Marc Lépine d'assassiner des femmes. 14 femmes qui avaient perdu la vie. 14 femmes, exact. Ces événements-là, là, c'est comme si c'était hier pour moi, je m'en souviens encore, de revenir de l'école, de voir les émissions spéciales, puis c'était surréel. Exact, exact. Et Montréal est l'une des villes dans le monde occidental où il y a certainement eu le plus de tueries. C'est difficile de trouver une ville où il y en a eu plus quand t'accumules Fabricante, Collège Dawson, la Polytechnique, ce qui s'est passé au Métropolis il y a 2 ans. On n'a pas aucune raison de faire la morale à quiconque là-dessus. 7h22 dans le show du matin à Radio X, live à radiox.com.